On l'a appelée, bien à tort, la Mata Hari mongole. À tort parce qu'elle n'était sans doute pas une espionne et qu'elle était beaucoup plus belle que Mata Hari. Mais si quelques journalistes l'ont ainsi nommée, c'est que dans sa brève existence, on trouve les ingrédients qui ont servi à bâtir la légende de la danseuse nue, le sexe, l'argent et la mort. Altantuya Charibou, mais ses proches l'appelaient plus simplement Tuya, a été assassinée en octobre 2006 en Malaisie. Elle avait alors 28 ans. Et si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est qu'elle est au centre d'un scandale politico-policier qui n'a pas fini de créer des remous à Kuala Lumpur et qui concerne aussi une importante firme française exportatrice de matériel militaire. Et, disons-le tout de suite, cette affaire n'est pas sans rappeler une autre histoire qui n'a toujours pas livré ses secrets, celle des fameuses frégates de Taïwan. Bref, vous l'avez compris, M. X nous propose dans ce nouvel entretien d'effectuer aussi une plongée dans le monde obscur des marchands d'armes, ce que d'aucuns ont appelé les marchands de mort. Un commerce dangereux, pas très moral, mais qui rapporte aussi beaucoup de devises à la France. centre de l'affaire que je veux vous raconter aujourd'hui se trouve l'un des fleurons de notre industrie, le scorpen. Pas très engageant ce nom. Hein. Vous avez raison. Le scorpen, c'est d'abord le scorpion de mer ou encore le diable de mer. C'est-à-dire un petit poisson à peau visqueuse dont la grosse tête est hérissée d'épines. Une rascasse en somme. Oui, oui, et c'est le nom délicieux dont nos industriels de l'armement, qui sont aussi des poètes, ont affublé l'un de leurs plus beaux engins, un sous-marin que beaucoup de pays nous envient. Tu as de la pub, là. Et qu'on a déjà donc vendu. Oh, bah, plusieurs exemplaires, en effet. Et qu'a-t-il de particulier, ce scorpène ? Si ce sous-marin est pourvu d'une propulsion classique, moteur électrique et générateur diesel... Bah, il n'a pas de moteur nucléaire, donc. Non, mais il bénéficie de toutes les innovations de nos sous-marins nucléaires. Sa coque, notamment, qui est la même. Et tous les systèmes acoustiques les plus sophistiqués. L'objectif étant d'en faire un bâtiment aussi silencieux que possible. Et donc pratiquement indétectable. Oui, oui, car le talon d'Achille des sous-marins, si j'ose dire, c'est le bruit des hélices qui se propage très loin en mer. En outre, le Scorpen est redoutablement armé. 18 types d'armement, c'est-à-dire tout un éventail de torpilles et même des missiles Exocet. Bref, un engin performant qui peut remplir de nombreuses missions. Oui, qui fait donc la fierté de son constructeur, mais... Qui est-ce au fait hein? La DCN, la Direction des Constructions Navales, devenue DCNS, après l'entrée dans son capital de Thales, l'ancienne Thomson CSF. Le S signifie en quoi, là? Système et services. Ouais. C'est donc une ancienne société publique qui a été en partie privatisée. Ou reste encore majoritairement des personnels qui bénéficient du statut public. Ouais, héritage de la Marine nationale. Oui, hein. Et c'est aussi la DCN, aujourd'hui DCNS, qui a construit les trop célèbres frégates de Taïwan. Et peut-être aurai-je l'occasion de vous en dire un mot un jour prochain. Oui, en tout cas, hein. Bon, je vous l'ai dit, le Scorpen intéresse beaucoup de monde et la DCNS a conclu de fructueux contrats avec plusieurs États, Chili, Pakistan et donc la Malaisie, le pays où se situe l'histoire que je voudrais vous raconter. La Malaisie avait donc besoin de sous-marins. Pour comprendre, il suffit de regarder une carte. Le pays est divisé en deux parties. La première est continentale, c'est la péninsule malaise. Et puis, il y a la Malaisie orientale qui occupe le nord-est de l'île de Bornéo. Ouais. Et entre ces deux parties, il y a des centaines de kilomètres de mer. Hein. L'État fédéral de Malaisie se trouve donc au cœur de l'un des carrefours maritimes les plus fréquentés du monde. Ouais, avec le fameux détroit de Malacca, où transite le trafic de l'Extrême-Orient vers l'Afrique ou l'Europe. Hein. Et c'est aussi l'une des mers les plus dangereuses. À cause des pirates. Essentiellement. Hein. Par conséquent, la Malaisie compte bien assurer la sécurité des détroits grâce à ses sous-marins Scorpen. L'acquisition de ces bâtiments lui permettra aussi de devenir une puissance maritime dans la région. Mais si vous le voulez bien, nous reparlerons plus précisément de la Malaisie et de son évolution politique. Et pour le moment, restons-en à ce contrat conclu avec la DCNS. Contrat conclu quand ? Dès 2002. La Malaisie entend acheter deux Scorpen et un bâtiment d'entraînement. C'est-à-dire hein ? Un ancien sous-marin de notre marine nationale. Un engin de type Acosta qui a été remis en état et permettra de former des équipages qui n'ont aucune expérience en matière de navigation sous-marine. Et le contrat se monte à combien, non ? Bon, il y en a pour plus d'un milliard d'euros. Et du côté malaisien, c'est le vice-premier ministre en charge de la Défense, Najib Tun Razak, qui a signé cet important contrat. Un homme dont nous allons reparler. Mais il est aujourd'hui Premier ministre de son pays. Hein. Depuis quelques semaines, oui. Ouais. Et malgré l'affaire que nous allons évoquer, qui a provoqué un énorme scandale en Malaisie. Mais enfin, n'allons pas trop vite, hein, le pays d'abord. C'est une monarchie parlementaire créée à l'image du système politique de l'ancien colonisateur. La Grande-Bretagne. Oui, oui. Il faut quand même ajouter que cette démocratie représentative peut aussi parfois se muer en état policier quand la situation l'exige. Que voulez-vous dire, là ? Bon, la principale difficulté que doit affronter la Malaisie, c'est sa diversité ethnique. On y trouve en effet une majorité de Malais, à peu près 55%, à côté d'une importante communauté d'origine chinoise, 25%. À laquelle il faut adjoindre un fort contingent d'Indiens. Et donc il convient de gérer cette mosaïque ethnique. Et ce n'est pas toujours évident. Dans le passé, on a assisté à de très violentes confrontations entre Malais et Chinois. Il s'y ajoute bien sûr des différents religieux. Les Malais étant majoritairement musulmans et essayant en permanence d'imposer la prééminence de l'islam. J'imagine que la croissance du fondamentalisme islamique a encore exacerbé cette question. Naturellement. Et certains sont prompts à voir l'influence d'Al-Qaïda derrière les difficultés actuelles de la Malaisie. Dès 1970, le chef du gouvernement et père du premier ministre actuel, Abdul Razak, s'efforce de mener une politique de réconciliation. Et ça se traduit par des mesures de discrimination positive. Le but étant de favoriser les Malais qui forment la population la plus pauvre et la moins évoluée du pays. Oui, mais ça se fait au détriment des Chinois. Forcément. Mmh. En 1981, le parti au pouvoir se donne à un dirigeant charismatique, Mohamed Mahathir. Cet homme à poigne réputé pour son franc-parler et parfois ses dérapages verbaux arrive à la tête du gouvernement avec l'ambition de faire de son pays un État moderne et puissant. Est-ce qu'il va réussir ? En partie, oui. La Malaisie est aujourd'hui, en matière de revenus par habitant, le troisième pays le plus riche du sud-est asiatique, après deux autres États qui sont d'ailleurs des enclaves en pays malais, Singapour et le sultanat du Brunei. La Malaisie exporte des hydrocarbures, du caoutchouc et de l'huile de palme. Et dès la fin de la prochaine décennie, elle prévoit d'accéder au club des pays développés. Cependant, cette spectaculaire progression économique ne s'est pas accomplie sans de nombreux accrocs à la démocratie. Par exemple, Confronté à la montée de l'islamiste, Mahathir a lutté avec fermeté contre les fondamentalistes tout en menant une véritable politique d'islamisation. En Malaisie aujourd'hui, on respecte la loi de la charia. Et le Premier ministre, peu avant son retrait du pouvoir en 2003, a prononcé un discours franchement antisémite. En tout cas, cette politique a braqué la communauté chinoise dont les dirigeants ont même scellé une alliance avec le parti d'opposition islamique. Mais il y a encore plus grave. Afin de se débarrasser de son vice-premier ministre, Ibrahim Anwar, un personnage très populaire et donc un rival possible, Mahathir n'a pas hésité à le faire accuser de corruption, mais aussi de sodomie. Ah oui, c'est un crime dans cet État musulman. Ça. Et Anwar a été jeté en prison où il est resté plusieurs années. Mais aujourd'hui libéré, il est revenu dans le jeu politique et c'est le principal adversaire du Premier ministre actuel, Razak. Et Mahathir, m'avez-vous dit, a quitté le pouvoir en 2003. Hein. Volontairement, oui, à cause de son grand âge. Et il a cédé la place à l'un de ses disciples, Abdullah Badawi. Mais Mahathir ne s'est pas désintéressé pour autant de la vie politique. Et le père du miracle économique, comme on l'a appelé, a tout fait pour pourrir la vie de son successeur, à tel point que Badawi a fini par renoncer. Mais pourquoi cet acharnement contre un homme que Mahathir avait choisi lui-même ? Badawi, dès son accession au pouvoir, a annoncé son intention de moraliser la vie politique. Ah oui, donc de lutter contre la corruption. Et ça a suffi pour faire souffler un vrai vent de panique dans les cercles du pouvoir et parmi les dirigeants du parti majoritaire, l'UMNO, l'Organisation Nationale Unifiée Malaise. Un parti qui dirige le pays sans discontinuité depuis l'indépendance. Une longévité qui lui a sans doute permis de prendre de mauvaises habitudes. C'était presque inévitable. Et Mahathir lui-même s'est senti visé. Il a donc usé de toute son influence, qui était encore grande, pour obliger Badawi à se retirer. Et c'est Najib Razak qui, après avoir été élu à la tête du parti au pouvoir, est devenu le nouveau Premier ministre. Et avez-vous dit, malgré le scandale dont vous voulez nous entretenir. C'est ça. Mais autant vous le dire, ses adversaires, à commencer par Ibrahim Anwar, aujourd'hui principal chef de l'opposition, ne se priveront pas de l'attaquer à propos de cette affaire très délicate. Une affaire qui fait peut-être d'ailleurs partie de tous ces cadavres cachés dans les placards du pouvoir malaisien que Badawi entendait dénoncer et faire sortir au grand jour. Sous le titre Mahathir, 22 ans de provocation en Malaisie, Arnaud Dubus a brossé un portrait de Mohamed Mahathir dans le quotidien Libération du 25 octobre 2003. J'en extrais ces quelques lignes. L'homme a une stature intellectuelle. En 1970, jeune médecin récemment entré en politique, il écrit un essai, Le dilemme malais, vigoureuse admonestation aux Malais pour qu'ils prennent leur destin en main pour faire face au dynamisme économique de la minorité chinoise du pays. Mon livre va probablement provoquer le découragement, mais je ne présente pas d'excuses. Ce que j'ai écrit est écrit avec sincérité, note-t-il en introduction. Cette ligne de conduite a été une constante dans la carrière d'un homme qui aime à répéter « Ce n'est pas en étant prévenant et poli qu'on arrive à réaliser des choses. Mahathir Mohamed aime provoquer. Ses attaques contre les impérialistes européens, sa dénonciation de la domination du monde par les juifs, ses imprécations tout aussi antisémites contre le financier George Soros ont provoqué une condamnation générale dans le monde occidental, tout en faisant de lui un héros parmi les musulmans. Convaincu de l'importance des technologies de l'information pour développer l'économie, il revendique dans le même souffle le titre de musulman fondamentaliste. Penseur visionnaire, développant une approche toute rationnelle des défis à relever pour son pays, il prend peur et élimine politiquement son vice-premier ministre, Anwar Ibrahim, en 1998, quand celui-ci lui semble représenter une menace. Chantre de l'anti-libéralisme, il courtise dans le même temps les multinationales pour les inciter à investir sur le sol malais. Difficile de s'y retrouver. Une seule chose semble faire l'unanimité, son départ à la fin du mois va créer un vide politique et intellectuel en Malaisie, mais aussi en Asie. Alors ce scandale, de quoi s'agit-il et quand cette affaire a-t-elle commencé ? Le début, c'est courant 2004. Lors d'une soirée de gala à Hong Kong, un certain Abdulrazak Baghindar fait la connaissance d'une beauté, Altantuya Shaharibou. Attendez, Abdulrazak Baghindar, vous dites. Il est parent avec le Premier ministre actuel qui était alors en charge de la Défense ? Non, mais Razak est un nom très commun en Malaisie. Ah bon ? Donc une coïncidence sans plus. Et même si, enfin vous allez le constater, les deux hommes se connaissaient très bien. Mais galanterie oblige, priorité à la belle, Altantuya. Lorsqu'elle rencontre Baghindar, a alors 26 ans. Que fait-elle ? Contrairement à ce qu'on a longtemps prétendu, elle n'est pas un mannequin, mais interprète. Cette jeune citoyenne de Mongolie parle à la perfection le russe, le chinois et l'anglais. Donc, elle est très demandée. Et pas seulement parce que sa silhouette est parfaite. C'est ce que je voulais dire. Altantuya, qui travaille essentiellement pour des multinationales, est issue d'un milieu aisé. Son père est professeur à l'université d'Oulan-Bator. La capitale de la Mongolie. Hein. Altantuya, elle, a longtemps vécu à Saint-Pétersbourg, qui s'appelait encore Leningrad. Puis, avant de regagner son pays, elle a beaucoup voyagé. J'ajoute que d'une précédente liaison, elle a eu deux enfants qui vivent en Mongolie. Mmh. Alors, l'amant maintenant, là, ce Baghindar. Lui, il est plus âgé quand il fait la connaissance d'Altantuya. Il a une bonne quarantaine d'années. C'est un type brillant qui a fait d'excellentes études au King's College de Londres, membre d'une dynastie politique très en vue en Malaisie. C'est un homme riche qui a écrit de nombreux ouvrages et voue une véritable admiration à Napoléon. Ah bon ? Et il a une profession ? Officiellement, il est analyste politique et a même créé un think tank, comme disent les anglo-saxons. Ouais. Un cercle de réflexion et d'idées, oui. Ça lui permet de participer, par exemple, au forum de Davos, qui rassemble le gratin du monde économique dans cette petite station suisse. Et Baghindar est presque naturellement l'interlocuteur privilégié des journalistes et dirigeants politiques étrangers qui visitent la Malaisie. Oui, c'est un homme d'influence. Alors. Incontestablement. Et qui a construit une grande partie de sa carrière dans l'orbite de Najimtun Razak, le ministre de la Défense. Baghindar a aussi un indéniable côté playboy, un faible pour les beaux costumes et les voitures de sport. Et les femmes ? Baghindar n'est bien sûr pas indifférent à la beauté féminine, bien qu'il soit marié à une juge qui lui a donné une fille. Enfin, il me faut dire que ce personnage qui est à tu et à toi avec les principaux politiciens malaisiens s'est également vu décerner la Légion d'honneur. Ah oui, pour service rendu à la France ? C'est probable. Mm-hmm. Quel genre de service ? Ce monsieur doit être un intermédiaire très arrangeant, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais son... D'accord, j'ai compris. Mais son profil, là, son côté playboy, ça ne dénote pas un peu dans un pays musulman ? Pas loin du monde, quand, ainsi que Razak Baghindar, on appartient à l'élite. La stricte observance des préceptes religieux, c'est bon pour le petit peuple. Et puis, la Malaisie n'est quand même pas l'Arabie Saoudite. Ouais. Donc, alors, on revient au début, là. Baghindar rencontre la belle Altantuya à Hong Kong, au cours d'une soirée de gala, avez-vous dit. Ouais, c'est tout de suite le coup de foudre et le début d'une idylle passionnée. Les deux amants ne se quittent plus, mènent la grande vie, abritent leurs amours dans des palaces et voyagent beaucoup ensemble. Et la famille de Baghindar ? Ça ne semble guère le préoccuper, à tel point qu'il offre le mariage à sa belle. Mais il a déjà une épouse. Aucune importance. Il se marie à Hong Kong. Et comme Altantuya n'est pas musulmane, ce mariage ne sera jamais reconnu en Malaisie. Ah oui, donc Baghindar et légalement bigame. Si vous voulez. Ouais. Au printemps 2005, les deux amants époux s'envolent pour l'Europe et commencent un voyage de rêve. Rien n'est trop beau pour Altan Touya. Un petit détail intéressant auparavant. Pour pénétrer à l'intérieur de l'espace Schengen... C'est-à-dire à l'intérieur des pays européens liés par les accords de Schengen. Effectivement. Donc la jeune femme doit disposer d'un visa. Ouais. Avant de partir, son amant prend sa plus belle plume et demande une lettre de garantie à ses bons amis d'Armaris. Armaris, qu'est-ce que c'est ? C'est une société filiale de DCN qui est chargée de la mise en œuvre des programmes d'exportation de la maison mère. En fait, inutile de tourner autour du pot, Armaris s'occupe principalement des commissions à verser aux différents intermédiaires. Ah, et là, j'imagine qu'on va bientôt retrouver le contrat des Scorpènes. Hein. Bien entendu. Quoi qu'il en soit, la direction d'Armaris ne tarde pas à donner satisfaction à la maîtresse de Baginda. Et Altan Touya obtient sans délai de l'ambassade de France à Kuala Lumpur son visa pour l'Europe. Si j'ai accordé un peu de temps à ce point par ailleurs anecdotique, c'est qu'il montre à l'évidence que Baginda entretient les meilleurs rapports avec notre DCN. J'essaierai même par la suite d'être un peu plus précis. Mais en attendant, revenons à ce voyage en Europe. Qui ressemble à une lune de miel. Ah, tout à fait. Mais je suppose que Baginda doit aussi profiter de sa visite à Paris pour rencontrer les gens de la DCN avec lesquels il est en affaires. C'est une supposition ? Non, plus qu'une supposition, car à cette occasion, il a certainement été question de gros sous. Ouais, donc une négociation. C'est ce que je pense. Et Altan Touya, présente, aura le sentiment d'avoir participé aux discussions et peut-être même aidé à conclure un important accord entre son amant et les responsables de la DCN. Et vous verrez qu'un peu plus tard, tout cela prendra une grande importance. Malheureusement, pour la jolie Altan Touya. C'est bien mystérieux, là. Pas pour longtemps, rassurez-vous. Autre point intéressant. Au même moment, le ministre de la Défense malaisien, Najib Tun Razak, se trouve lui aussi en France. Et pour quelle raison, lui ? Ben, il se rend au Salon du Bourget, où traditionnellement, nos industriels de l'armement exposent leurs derniers modèles. Et ensuite, il prend la route de Cherbourg pour aller voir où en est la construction des Scorpènes. Bref, il fait son travail de ministre de la Défense. Hein ? Exactement. Et jusque-là, il n'y a rien à dire. Mais à l'occasion, il aurait aussi rencontré son ami et conseiller officieux, Razak Baginda. Là encore, je ne vois rien d'étonnant. Vous avez raison. Mais Baginda n'était pas seul. Altan Touya l'accompagnait. Or, plus tard, l'actuel Premier ministre malaisien jurera ses grands dieux que de toute sa vie, il n'a jamais rencontré la jolie jeune femme. Un mensonge, selon vous. Un mensonge avéré, puisqu'une photo a été prise où l'on voit le trio attablé dans une boîte de nuit. Une photo prise par qui, ça ? Un détective privé. Baginda et sa maîtresse auraient donc déjà été surveillés ? La femme trompée, peut-être, allez savoir. Quoi qu'il en soit, le mensonge de Razak est curieux. Pourquoi nier l'évidence ? A-t-il eu peur d'être entraîné dans le scandale qui éclatera plus tard ? Ou bien a-t-il eu d'autres bonnes raisons d'affirmer qu'il ne connaissait pas Altan Touya ? Vous avez une idée derrière la tête. Hein ? Oui, mais car il se dit, et pas seulement à Kuala Lumpur, que la jeune femme aurait pu partager ses faveurs entre son cher Baginda et le ministre de la Défense. Mais que voulez-vous ? Baginda n'avait rien à refuser à Razak, son mentor et ami. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Un mot sur Najib Razak, l'actuel Premier ministre de la Malaisie, dont M. X vient de nous parler. Au lendemain de sa nomination, voici ce qu'écrit mon confrère de RFI et Libération, Arnaud Dubus. Najib Razak, est-il le mieux placé pour reprendre en main ce pays de 27 millions d'habitants à la charnière du monde bouddhiste, Theravada, et du monde malais islamisé. Ce politicien au physique arrondi de 55 ans connaît à fond les rouages du Barisan national, c'est-à-dire la coalition gouvernementale. Il a fait toute sa carrière, depuis sa première élection comme député à l'âge de 23 ans, au sein de l'UMNO, le parti anciennement dirigé par son père. Formé à Oxford, il est plutôt bien placé pour tenter d'amoindrir le choc de la récession économique mondiale sur une économie fortement orientée vers les exportations. Mais sa réputation est loin de l'image intègre et ascétique de son prédécesseur, le pieux Abdullah Badawi. Des sommes considérables ont circulé pendant le congrès de l'UMNO afin d'assurer que les lieutenants de Najib Razak contrôle tous les postes importants. Najib a aussi une réputation de playboy, ce qui nuit à son image dans les campagnes traditionnalistes peuplées de Malais. Élu, non par le peuple, mais par les sections du parti, il n'est pas populaire. La lune de miel entre la belle Altantouya et son amant prend fin quelque temps après le retour du couple en Asie. C'est la rupture. Oui, oui, et d'après ce que l'on a appris plus tard, c'est par un simple SMS que Baginda signifie à sa maîtresse qu'il met fin à leur liaison. Le procédé n'est pas très élégant. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, je suis d'accord avec vous. Réaction de la jeune femme ? Elle retourne chez elle, en Mongolie. Mais elle ne tarde pas à revenir. Et pourquoi ? Elle veut de l'argent. Une compensation, ouais, ce serait assez normal, puisqu'il y a quand même eu ce mariage célébré à Hong Kong. Hein. Bon, un mariage qui n'est pas reconnu en Malaisie, je vous le rappelle. Mais non, il y a autre chose. Si elle réclame 500 000 dollars, c'est vraisemblablement qu'elle a joué un rôle actif dans les affaires de son amant. Cette négociation là, qui aurait eu lieu à Paris avec les gens de la DCN ? On peut le penser. Et Altantouya, bien décidée à obtenir cette importante somme, se livre à une véritable opération de harcèlement. C'est en tout cas ce que prétendra Baginda. Elle se rend à ses bureaux, campe devant le domicile de son amant. La maison où habitent la femme légitime et sa fille. Hein. Et c'est justement là, devant cette demeure, que le drame va se nouer. Un jour, deux hommes s'approchent de la jeune femme. Ce sont des policiers et ils invitent Altantouya à monter dans leur véhicule. Et elle accepte ? Que peut-elle faire d'autre ? Cependant, le chauffeur de taxi qui a conduit la jeune femme jusqu'au domicile de Baginda est intrigué par la scène à laquelle il a assisté. Et il note le numéro d'immatriculation de la voiture qui emporte Altantouya. Altantouya qu'on ne reverra jamais vivante. Et qu'est-ce qui a intrigué ce chauffeur de taxi, là ? Ben, eh bien, il a eu l'impression que sa cliente a été enlevée. Et il se rend au premier poste de police afin de délivrer son témoignage. C'est le point de départ d'une enquête qui va très vite conduire jusqu'aux deux ravisseurs. Des policiers, avez-vous dit, hein ? Et c'est pour cette seule raison qu'Altantouya a accepté de les suivre. Mais attention, ce ne sont pas des flics ordinaires. L'un, l'inspecteur Adri, et le chef de la sécurité du ministre de la Défense. Ah, encore, là, Najib Razak, là, l'ami de Baginda. Hein. Et l'autre est un brigadier, membre de l'unité que Adri a créée. L'équivalent de notre RAID. Et malgré les protections dont il bénéficie, ces deux policiers sont interrogés. Après avoir d'abord déclaré qu'ils n'avaient fait que sermonner la chinoise, comme ils disent, ils finissent par avouer. Il aurait d'autant plus difficile de nier qu'on a retrouvé au domicile de l'un d'entre eux les bijoux d'Altantouya. Alors, ces aveux-là ? C'est assez atroce. Ils ont conduit la jeune femme jusqu'à un terrain d'entraînement utilisé par les forces spéciales. Et là, ils l'ont purement et simplement exécuté de deux coups de feu. Puis, afin d'effacer toutes les traces de cet assassinat, ils ont fixé sur le corps des charges explosives. Et le cadavre a été pulvérisé ? Ah, littéralement, oui. Mais les enquêteurs conduits sur place par les deux meurtriers ont réussi à retrouver de minuscules fragments d'os. Et une analyse ADN a permis de prouver qu'il s'agissait bien des restes de la jeune femme. Mmh. Mais dans cette affaire-là, ces deux policiers n'ont été que des hommes de main, non ? Tout à fait. Et les enquêteurs sont remontés bien vite à celui à qui avait profité le crime. Oui, Razak Baginda, là. Et ce dernier, lui-même, a-t-il reconnu sa culpabilité ? Bah, il a d'abord admis qu'il avait évoqué devant Adri les soucis que lui procurait Altantouya. Quoi, le harcèlement ? Et Adri lui aurait alors dit « Je m'en occupe, tu peux dormir tranquille ». Et il aurait même laissé entendre que ce n'était pas la première fois qu'il faisait disparaître des personnes de façon discrète. Et Baginda rejette donc la responsabilité du crime sur les deux exécutants, mais n'empêche qu'il apparaît aussi comme le complice de ces deux assassinats. Et il finit par être arrêté et emprisonné. Toutefois, c'était faire fi de son influence et de ses nombreuses amitiés dans la sphère du pouvoir. Et dont celui du ministre de la Défense. Qui avait en même temps le titre de vice-premier ministre. Et c'est une puissante machine politique qui se met en marche en faveur de Baginda. On assiste d'abord à des pressions sur la justice. Le premier magistrat désigné est destitué parce qu'il est partenaire de tennis d'un avocat de la défense. Bien, donc. Celui qui lui succède n'a aucune expérience en matière criminelle. Ensuite, on observe que l'un des policiers incriminés se rétracte. Ses aveux auraient été recueillis sous la pression. Ça, c'est relativement classique. Hein. Je poursuis. Les journalistes qui s'intéressent à l'affaire sont convoqués par la police. Et on les invite fermement à traiter d'autres sujets d'actualité. Enfin, on interdit pratiquement à la partie civile d'évoquer la dimension politique de ce dossier. Toutefois, c'est sans compter avec la pugnacité du père d'Altantouya, le professeur Steve Shaaribou, s'est en effet déplacé à Kuala Lumpur. Et pour lui, Il ne fait nul doute que sa fille a été assassinée pour des motifs politiques. Il apporte des preuves ? L'une en particulier très troublante, oui. Il est établi qu'on a effacé dans les ordinateurs du service de l'immigration la trace de l'entrée d'Altantuya sur le territoire malaisien. Et donc pour l'administration, elle n'est jamais retournée en Malaisie après sa séparation avec Baginda. Exactement. Mais d'après son père, alors, pour quel motif aurait-elle été assassinée ? Oh, c'est très simple, elle en savait trop sur la corruption au sommet de l'État malaisien. Et le professeur Charibou et ses avocats de mettre le doigt sur le contrat d'achat d'Escorpen qui aurait donné lieu au versement de commissions illicites. Et là, j'imagine que c'est directement le ministre de la Défense qui visait. Ah, pas seulement, car on met aussi en évidence que la société qui est chargée d'entraîner les équipages de sous-mariniers appartient à Razak Baginda. L'amant, ouais. Et le contrat porte sur une somme de plus d'une centaine de millions d'euros. Jolie affaire, hein. Et les mauvais esprits ne peuvent pas s'empêcher de penser que c'est une sorte de cadeau accordé par le constructeur français à Baginda. Pour le remercier d'avoir joué un rôle positif dans la signature du contrat d'Escorpen. Pourquoi pas. Mais Altantuya, elle. Je vous rappelle qu'en juin 2005, elle se trouvait en France en compagnie de son amant. Et je voulais laisser entendre, elle est peut-être intervenue dans la négociation. Ce qui justifierait les 500 000 dollars qu'elle réclamait à son amant ? Mais je crois qu'il y avait encore autre chose. Quoi ? Un autre contrat d'armement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Altantuya avait passé sa jeunesse en Russie. Et elle parlait parfaitement la langue de Tolstoï. Or, une importante société d'État appartenant au complexe militaro-industriel russe essayait de pénétrer le marché malaisien afin d'y vendre des avions de chasse, des Sukhoi, d'ailleurs équipés de systèmes électroniques français. Et Altantuya, qui connaissait si bien le personnel politique malaisien de la défense, aurait pu être une intermédiaire de choix. Et donc connaître le secret des inévitables commissions qui ont ou auraient été versées. Ça ne me semble pas impossible, mais il s'agit d'une pure hypothèse. Ah, bien entendu. Et la suite de l'affaire ? Oh, il y a eu forcément un procès, un très long premier procès qui s'est terminé à la fin 2008. D'après tous les observateurs, il s'est plutôt agi d'une mascarade. Baginda, qui a affirmé être la proie d'un véritable harcèlement de la part d'une femme hystérique qui ne supportait pas d'avoir été rejetée, s'est présenté en victime. Et bien sûr, il a témoigné à charge contre ses deux co-accusés. Ouais, les policiers. Oui, ouais. D'après lui, ce sont eux qui ont tout manigancé dans son dos. Pour lui rendre service, quand même. Certes, certes, mais Baginda s'est surtout bien gardé de prononcer le nom de son ami, Najib Razak. Et c'était prudent, car on savait déjà à Kuala Lumpur qu'il deviendrait le futur Premier ministre. D'ailleurs, quand un témoin a fait état de sa présence à Paris en même temps que Baginda et Altantuya, le juge n'a pas semblé entendre. Ouais, t'es peut-être sourd, hein. Et les commissions ? Pas un mot. Et pourtant, en marge du procès, le vice-ministre de la Défense, un certain Zine, a reconnu devant le Parlement que la société Armaris, filiale de la DCN et de Thales, avait bien versé une grosse commission à la société possédée par Baginda. Et finalement, l'impensable s'est produit. L'amant d'Altantuya a été acquitté et s'est empressé de se rendre avec sa famille à Londres, où il est maintenant installé. Et les deux policiers, alors ? Le 9 avril dernier, ils ont été condamnés à mort. Deux dernières informations avant d'en finir avec cette affaire malaisienne. En novembre 2008, alors que le premier procès, celui au cours duquel Baginda a été acquitté, n'était toujours pas terminé, la presse mongole a publié une lettre posthume d'Altantuya où elle portait de graves accusations contre son ancien amant. Mais apparemment, il n'en a pas été tenu compte, hein. Et l'autre information ? En juillet 2008, la presse mongole, toujours elle, a fait état de la mystérieuse disparition d'un détective privé qui aurait travaillé pour Baginda. Un détective privé, celui qui a fait la photo à Paris ? Bah, franchement, je n'en sais rien. Ce détective a déclaré que Najib Razak, l'actuel premier ministre malaisien, était lié à l'assassinat d'Altantuya Charibou. Mais dès le lendemain, il s'est rétracté et il a aussitôt disparu. Et on ne l'a pas revu ? Non, non, et Interpol le cherche toujours. Cependant, même si on le retrouvait, ce qui me paraît hautement improbable, ça ne changerait pas grand-chose. Le juge, dès qu'il a eu en main cette information, décidait qu'il était inutile de l'entendre. Ouais. Puis maintenant, le procès est terminé. Hein. Et je ne peux pas m'empêcher de noter que la sentence condamnant à mort les deux policiers qui étaient chargés de la sécurité de Najib Razak a exactement coïncidé avec l'entrée en fonction de ce dernier au poste de Premier ministre, début avril 2009. Alors le dossier est refermé ? J'en doute, parce que l'opposition, menée par le très populaire Ibrahim Anwar, tient avec cette affaire un formidable cheval de bataille contre Razak. Et il ne m'étonnerait pas qu'on reparle un jour de la belle Atantouya. Affaire à suivre, a dit Monsieur X. Peut-être, il suffit de prendre connaissance du discours prononcé par Zaïd Ibrahim, un dirigeant du parti au pouvoir chargé de lutter contre la corruption et qui a été promptement écarté. Je cite ses propos relayés en mars 2009 par Asia Sentinel, un journal de Hong Kong. Dans son discours, Zaïd a déclaré que les institutions politiques du pays n'étaient que de vulgaires caricatures incapables de distinguer les intérêts de groupes de pression de ceux de la nation, incapables de défendre l'homme de la rue contre les puissants et les nantis. Il s'en est pris directement à Najib, l'accusant d'avoir fait honteusement main basse sur le pouvoir en renversant le gouvernement élu du riche état de Perak, de museler la presse en jetant les journalistes en prison, et d'être coupable de complicité dans l'attribution de contrats militaires. Cependant, l'accusation la plus accablante est une référence explicite à des rumeurs tenaces sur l'implication de Najib dans le meurtre d'une interprète mongole, Altantuya Charibou, abattue de 2 balles dans la tête en octobre 2006 et dont le corps a ensuite été pulvérisé par des explosifs utilisés dans l'armée. Un dernier mot. Ni la DCNS, ni Thalès ne souhaitent communiquer sur cette affaire. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et peut-être même la podcaster. Stéphane Combe, Michel Billoux, Rebecca Nonante, Monsieur Djoub ont participé à la réalisation de cette émission. Un peu de verre maintenant, tout de suite après le flash et au de mon amour de Denis Chessou.